Alors pourquoi est-ce que vous n'aimez pas l'histoire? Au moins, ça parle de gens réels, de gens qui ont vécu, de gens qui ont influencé les événements. Ah, si vous croyez que l'histoire vous dit la vérité, vous vous trompez. L'histoire s'est arrangée pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. Votre pays a toujours raison et les autres ont toujours tort. L'histoire, au moins, ça parle de gens réels, de gens qui ont vécu, de gens qui ont influencé les événements. L'histoire parle de gens réels. De gens qui ont vécu. Des gens qui ont vécu. Des gens qui ont influencé les événements. Des gens qui ont influencé les événements. De quoi parle l'histoire? De gens réels, de gens qui ont vécu, de gens qui ont influencé les événements. L'histoire, c'est arrangé pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. L'histoire, c'est arrangé. C'est arrangé pour vous faire adopter les préjugés de votre nation, les préjugés. Les préjugés de votre nation. C'est arrangé pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. Comment est-ce que l'histoire est arrangée? Elle est arrangée pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. Mais alors les langues modernes, c'est au moins assez utile, non? Pas comme on les enseigne, avec toutes ces conjugaisons, ces déclinaisons, ces listes de vocabulaire. C'est ridicule, ça ne sert à rien. On apprend des règles de grammaire pendant 4 ans et on n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. Enfin, j'exagère. J'ai eu de très bons professeurs d'allemand. Mais je ne sais pas demander à quelle heure le train arrive. C'est vrai que vous exagérez. Vous êtes amusant, mais vous exagérez. D'ailleurs, tout le monde a toujours été contre l'éducation qu'il a reçue. Heureusement que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. On apprend les règles de grammaire pendant 4 ans et on n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. On apprend les règles de grammaire, on apprend les règles de grammaire. Pendant 4 ans, et on n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. On n'est pas capable. On n'est pas capable. On n'est pas capable de dire 2 phrases. On n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. Pourquoi est-ce qu'on enseigne mal les langues modernes en général? Parce qu'on apprend des règles de grammaire pendant 4 ans et on n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. Enfin, j'exagère. J'ai eu de très bons professeurs d'allemand. J'ai eu de très bons professeurs. Mais je ne sais pas demander à quelle heure le train arrive. À quelle heure le train arrive? Je ne sais pas demander à quelle heure le train arrive. Est-ce que Robert sait bien l'allemand? Non, il ne s'est pas demandé à quelle heure le train arrive. Heureusement que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture, c'est ce qui reste, ce qui reste. C'est ce qui reste quand on a tout oublié, quand on a tout oublié, quand on a tout oublié. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Quelle définition Mireille donne-t-elle de la culture ? Elle dit que c'est ce qui reste quand on a tout oublié.